Bonjour, aujourd'hui je vous parle de la foi. Il y a tellement d'aspects à la foi, il y a tellement à en dire que je ne ferai qu'effleurer le sujet. François de Sales a écrit « Que le monde est triste là où l'on a tué Dieu. Il est désespérant. » Le père Félicité de Lamennais a écrit « Semblable à un vaisseau qu'un pilote voudrait diriger sans le secours des astres, les peuples ont perdu leur route. Et ils ne la retrouveront qu'en regardant le ciel. » Sundari a écrit « Le monde sans Dieu est une immense solitude entrecoupée par des cris de détresse. » Le père Didon a écrit « De toutes les misères humaines, la plus grande est celle de l'homme sans Dieu. » Mais c'est par la foi que Dieu se découvre à l'âme. La foi, c'est Dieu lui-même qui donne des preuves de son existence. N'essayez pas d'avoir la foi par vos propres forces, vous n'y arriverez pas, vous n'arriverez à rien. C'est comme essayer de se soulever soi-même par ses cordons de souliers. La Bible dit « La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu ». Dieu a choisi de sauver les hommes par le moyen de la prédication de l'Évangile. Voyez-vous, un enfant ne vient pas au monde parce qu'il l'a voulu très fort. Ce sont ses parents qui se sont joints et l'ont procréé. De la même façon, on ne devient pas chrétien parce qu'on a essayé très fort de l'être, mais parce que Dieu lui-même nous a engendrés par la prédication de l'Évangile. Lorsque vous entendez parler du salut en Jésus-Christ, lorsque vous entendez de vos oreilles la parole du Christ et l'œuvre de son salut sur la croix, si le fond de votre cœur est bon, la foi, telle une colombe, viendra elle-même descendre et faire son nid dans votre cœur. Selon le mot de Pascal, la foi, c'est Dieu lui-même rendu sensible au cœur. Dans les années 50, un évangéliste américain a dit quelque chose de très très pertinent qui va comme suit. La foi vient d'une source que les gens ne connaissent absolument pas. Quand un homme vient de recevoir la foi en Dieu, il vient de mettre la main sur quelque chose qu'il ne peut pas expliquer. C'est quelque chose qui s'est accroché à lui. Il ne peut pas la repousser, la secouer ou la retirer. La foi s'est emparée de lui. Fin de citation. C'est Dieu seul qui incline le cœur à croire. Dans l'Évangile de Jean, il est écrit « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Une autre traduction a rendu « non du sang des parents ». Alors ce n'est pas par les efforts de la volonté, ce n'est pas par la volonté de nos parents, ce n'est pas parce que vous appartenez à une église dès votre naissance. Vous pouvez avoir été à l'église toute votre vie et n'avoir jamais connu la nouvelle naissance, car elle vient de Dieu. Cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu, dit la Bible. Jésus a dit « Et moi, quand j'aurai été élevé, j'attirerai tous les hommes vers moi. » Aujourd'hui, la parole que vous entendez vous attire au Christ. Ouvrez votre cœur à la grâce et vous serez engendrés et vous naîtrez de nouveau et vous entrerez dans le royaume des cieux. Royaume invisible, mais bien plus réel encore que celui dans lequel nous vivons. D'un coup d'aile, la foi vous élèvera plus haut et transportera votre âme au-dessus de tout l'univers visible pour vous amener jusqu'à Dieu dans l'éternité. Si ce message vous a touché, je vous invite à fermer les yeux et à prier avec moi. Mon Dieu, je me sens appelé par le Christ. La foi entre dans mon cœur. J'accepte le Christ comme sauveur et rédempteur personnel. Je serai un homme nouveau, une femme nouvelle, régénérée par la grâce. Je vivrai désormais d'une vie nouvelle. Je suivrai les traces de pas du Christ et marcherai dans ses exemples et ses enseignements au meilleur de la grâce que tu me donneras. Amen. Je vous encourage à vous procurer une Bible et à retourner à l'Église. Si vous avez des questions, mon adresse courriel est jocelyn041@hotmail.fr. Alors je vous dis à la prochaine, gardez la foi et la foi vous gardera.